Radio Isa, tu l'as classé parmi tes sons favoris. Louane, on l'écoute maintenant. Radio Isa. Et consommez votre électricité photovoltaïque avec Énergie Service France à Saint-Pierre-en-Faucigny. Il est midi sur Radio Isa, bienvenue, c'est Sam. On attaque cette nouvelle heure maintenant avec Gossip, Heavy Cross, DJ Snake, aussi Loco Contigo. Et là, c'est toute l'info en moins de 90 secondes sur Radio Isa. N'attendez plus, faites-vous remarquer. La météo avec l'atelier du Mont Blanc. Communication et marquage tout textile à Bonneville. C'est l'heure de la météo avec Tina. Et le beau temps va se poursuivre cet après-midi avec les températures qui vont grimper. Une bonne nouvelle pour les vacanciers qui vont pouvoir aller faire trompette. On attend jusqu'à 24 degrés à Seyssel, 23 à Annecy, 22 à Saint-Julien et 21 à Sallanches. Le point complet sur vos infos avec Tina Sanchez. Un jeune homme de 25 ans a été retrouvé mort chez lui à Gaillard. Son décès a été constaté hier après-midi. Le parquet de Thonon-les-Bains a ouvert une enquête pour rechercher les causes de cette mort. L'hypothèse d'un homicide est écartée par les enquêteurs. Et puis l'enquête se poursuit après l'accident mortel d'hier à Arrache-la-Frasse. Un homme de 55 ans a été retrouvé sans vie sous son tracteur bloqué. Les secours l'avaient trouvé sur place en arrêt cardio-respiratoire et n'étaient pas parvenus à le réanimer. On ignore encore les circonstances exactes de cet accident. 150 000 personnes ont profité samedi du plus gros feu d'artifice d'Europe, celui de la fête du lac d'Annecy. Le spectacle a duré jusqu'à 23h30 environ. Il faut désormais attendre 2025 pour assister au prochain spectacle, puisque celui de l'an prochain est annulé à cause des JO de Paris. Le festival Ziconville se poursuit à La Roche-sur-Foron. Comme chaque été depuis 2009, l'Office de tourisme organise des concerts gratuits et des festivités tous les vendredis soirs jusqu'au 25 août. Ce vendredi, c'est Lindsay Wazeman et Pamela Padjogo qui vont se produire à partir de 20h30 place de l'Hôtel de Ville. Les fans de Freddie Mercury du monde entier affluent à Londres. Avant d'être vendus aux enchères, des objets uniques de l'intimité du chanteur de Queen sont à découvrir, comme sa couronne et sa cape. L'expo gratuite est ouverte jusqu'au 5 septembre. La suite du top des hits, c'est avec DJ Snake et J Balvin. Tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. Okay, okay. Mami, tú eres una champion, rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Lo bate como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por vela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. Oh, I make it hot, your body on top, top. Kiss me up, up. Wanna lip lock, lock. Party won't stop, stop. And it's 4 o'clock, iced out watch. I can get you one, yeah. Tell your best friend, she get one, she get one. Girls wanna have fun, I'm who they run to. Move, move, your body know you want to. One, two, baby, I want you. Cute face, little waist, yeah. Move to the base, that ass need a seat. You can sit on me, that's my old girl. Yeah, she an antique, you got that new body. Yeah, you an art piece. You like salsa, yeah, I'm saucy. Caliente, muy caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. Sur Radio Isa. Avec Ivy Cross, bon app. Si vous êtes à table, en tout cas sur Radio Isère, on est là, on vous lâche pas. Avec plus de 30 minutes de 8 sans pub, Rema, le phénomène TikTok avec Calm Down. Il y aura David Kushner aussi. Et puis Nuit Incolore, artiste qui nous vient du Vietnam. Il a été adopté par un couple suisse qui bossait dans un magasin de musique. Donc du coup, il a baigné dans la musique toute sa vie. Nuit Incolore, c'est dépassé. Dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Le prochain hit qui arrive sur Radio Isa. Tous vos hits préférés sont sur Radio Isa. Avec David Guetta. Lewis Capaldi. Radio Isa, le top des hits. Le MAG, votre rendez-vous 100% Pays Rochois sur Périne FM. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de mon MAG du Pays Rochois. Depuis 2 mois maintenant, la piscine vous ouvre ses portes. De juillet à septembre, rendez-vous tous les jours de 10h30 à 19h30 et en nocturne jusqu'à 20h30 le mardi soir. Profitez de l'été pour nager dans l'un des derniers bassins découverts de Haute-Savoie et en cas de pluie, vous pourrez choisir le bassin semi-couvert. C'est aussi le moment de découvrir l'univers aquatique avec les plus petits dans la pataugeoire. Pour les plus grands, rendez-vous dans le toboggan ou le jardin aqualudique pour s'amuser en toute sérénité. Alors c'est parti, plus une seconde à perdre, il est temps d'enfiler votre maillot. Retrouvez les horaires et toutes les informations sur notre site ccpaysrochois.fr. Chaque jour, du lundi au vendredi, retrouvez le MAG du Pays Rochois sur Périne FM. Toute l'info et l'actu du territoire. Et on continue sur ccpaysrochois.fr. La ferme des Chênes Vifs, c'est un lieu, une passion, des personnes et un savoir-faire. Ces éleveurs, cultivateurs et producteurs de fromages fermiers en agriculture biologique se situent à Saint-Laurent, à 5 minutes de La Roche-sur-Foron. Venez retrouver leurs produits et ceux d'autres petits producteurs locaux dans leur magasin de vente directe, ouvert du mercredi au vendredi, de 16h à 19h et le samedi de 9h à 11h30. Vous pouvez même passer commande sur la ferme des Chênes Vifs.fr. Un distributeur automatique a fait son apparition à la ferme des Chênes Vifs. Profitez-en 7 jours sur 7. Lorsque Sophie ouvrit son colis Amazon, ses yeux s'illuminèrent. Cette prise en main parfaite. Ces différentes vitesses de brossage. C'était la brosse à dents électrique de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Chérie, ce soir je t'invite au restaurant. Ok, mais cette fois c'est moi qui choisis. Ah mince, j'avais déjà une super idée. Fais-moi confiance. Moi aussi. Moi, c'était un restaurant qui propose une cuisine traditionnelle. Ah moi aussi, mais en plus il a un service traiteur avec menu et plats emportés sur commande et tu peux même offrir des repas sous forme de bons cadeaux toute l'année. T'es sûr qu'on n'est pas en train de penser au même restaurant tous les deux? Je sais pas, tu penses à qui? Bah, le must pour moi c'est la Renaissance. Moi pareil. Tu vois qu'on est fait pour s'entendre. La Renaissance, restaurant traiteur, 54 avenue Charles de Gaulle, à La Roche-sur-Foron. Pour votre santé, bougez plus. T'as acheté un Big 4 couleur Shine à Lucie chez Bureau Vallée? Oui, et alors? Ben, moi aussi j'en voulais un, il est trop beau! Alors figure-toi que le stylo Big 4 couleur Shine, avec son effet métallisé, est à moins 50% chez Bureau Vallée. Soit 1,49€ le stylo, au lieu de 2,99€. 1,49€ le Big 4 couleur Shine? Moi aussi je vais aller m'en prendre un, et même deux tiens. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Offre valable du 7 au 19 août, voir conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Ça, c'est votre petit dernier avant de reprendre les cours. C'est bon, j'arrive. Et ça, c'est lui avant de reprendre le sport. Papa, on va être en retard! Et oui, dès qu'il s'agit de se dépenser, ils sont inarrêtables. Alors pour que rien ne les arrête, on a sélectionné un survêtement aussi pratique que confortable. Et pour faire du sport le meilleur allié de la rentrée, cette semaine, les vestes ou les bas de survêtement Kappa enfant sont à moins 50%, soit 12 euros au lieu de 24. Décathlon, faire bouger le sport. Ramsès, quel nom on donne à la pub feu vert sur le pouvoir du chat ? The Cat Vengers ou le gardien de la carrosserie ? C'est une pub sur le pouvoir d'achat, pas le pouvoir du chat. Hein ? Ben oui, notre vrai pouvoir chez Feu Vert, c'est de vous faire économiser 20% sur le deuxième plan Cook. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Offre soumise à la pause, voire sélection et conditions sur feuvert.fr. À tous ceux qui, petits, fabriquaient des sarbacanes avec les stylos pour viser les profs. Mais c'est pas moi, monsieur, c'est Joris. À ceux qui s'amusaient à mettre leurs doigts entre les crochets du classeur sans se pincer, mais qui se pinçaient quand même. Et à ceux qui gardaient les confettis de la perforeuse pour les jeter sur les copains. Dès mardi, Intermarché offre 50% de remise immédiate sur une sélection de fournitures scolaires. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 août, la remise s'applique lors du passage en caisse. Modalité sur intermarché.com. Renault. La sécurité n'est pas réservée qu'aux automobilistes. Chez Renault, nous voulons protéger tous les usagers de la route. Piétons, cyclistes, motards, automobilistes. C'est pourquoi nous avons déposé plus de 2000 brevets depuis 1969. Formé plus de 5000 pompiers dans 19 pays. Et investi toujours plus dans la recherche et le développement, l'intelligence artificielle et les services connectés. Découvrez tout le programme Human First, la sécurité par Renault, sur renault.fr/sécurité. Source Renault. Pensez à covoiturer. Et vous, Florence, pourquoi avoir choisi Verisure ? L'été dernier, notre maison a été cambriolée. Ils ont tout pris. En plus, on a dû rentrer immédiatement. Ça nous a vraiment gâché les vacances. On veut plus que ça nous arrive. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est d'installer une alarme Verisure. Et cette année, on part serein. Et c'est pour ces raisons que nous sommes élus produits de l'année 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur verisure.fr. Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS. Non mais tu crois que c'est le moment de faire de la musique avec ta fille ? Et le supermarché pour les fournitures scolaires ? Tout est déjà plié, cliqué, envoyé sur rentreediscount.com. Yeah ! Eh oui, sur rentreediscount.com, faire sa rentrée n'a jamais été aussi simple. Maxi choix, prix mini, 3 fois sans frais et plus de 1000 modèles de sacs scolaires. Ok ! 1, 2, 3 rentreediscount.com. Rentreediscount.com, du bonheur pour toute la famille. Choisissez, commandez, profitez. Dans moins d'une minute, Radio Isa, le top des hits. Retour du top des hits sur Radio Isa Haute-Savoie. Leclerc. Joker. Hein ? Les barres de céréales Nestlé, là. C'est mon joker pour le goûter des enfants. Chocapic, Lion, Golden Grams, Nesquik, Fitness Chocolat, ils adorent tout. Et qu'est-ce que je vois, là ? Pour l'achat d'une boîte, il y a 68% de réduction sur la deuxième, comme par hasard. Ah bon ? Non, mais moins 68% sur la deuxième. Me dis pas que tu l'avais pas vu. Joker. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 1er au 12 août, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Les cidres de France, tout naturellement. Thierry Marx, c'est quoi pour vous un instant cidre ? C'est un instant fraîcheur, c'est un instant d'éveil, c'est un moment savoureux. L'été, c'est la saison des planchas, des barbecues. Prenez une belle tranche de merlu, prenez une côtelette, posez sur le barbecue et vous les snackez. Avec ça, un cidre frais, vif, expressif, pour faire de cet instant gourmand un moment inoubliable. Ça, ça se savoure. Les cidres de France, tout naturellement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Tout l'été, toutes les heures, plus de 30 minutes de hit, sans pub. Radio. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme fausse, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de rêve.

Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl, no tell me, no, no, no, no. Se acaba y Intenta que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar este sabios. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Se va a entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Le top des hits, le top des hits. Pendant plus de 30 minutes. Radio Isa. Sans pub. Radio Isa. Radio Isa. Je chantais mes peines sur le banc de la cité. Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père. Je chantais dans ma chambre, j'avais fermé la porte. Je criais mes démons, que le diable les emporte. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Un diamant, une machina, comme le disait ma mère. Comment c'est chez toi, mon frère? t'aime. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Et c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Radio Isa, tout l'été, le top des hits. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'd all be great. Put your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. Low lows, I'm feeling every emotion. We toxic, Lord knows. I can't see it. You're distant, but too close. On the other side of the ocean, we're too deep to be shallow. Yeah, you can't lie. When love sucks, it sucks. You're the best and the worst I had. But if you're there when I wake up, then it's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. Even if I could, it'd all be great. Put your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. I love the way you use them lips. I hate it when you talk that. Back and forth, we taking leaks. Good things don't come easy, babe. Lies on top of lies, on top of lies. Lie that body right on top of mine. Love to hate to love you every time. You can't lie. When love sucks, it sucks, it sucks. You're the best and the worst I had. But if you're there when I wake up, then it's not so bad. Je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire à tes pingos d'adieu, je peux plus me passer de lui. Et tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de lui. Et s'ils ne sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là s'il faut encaisser pour nous deux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et d'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Oh, oh. C'est compliqué, mais avec toi c'est plus facile. Continue de rester toi-même et je ne regrette pas de t'avoir choisi. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille. Tu fais partie de ma famille, Dieu sait combien j'aime ma famille. S'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux. S'ils te redemandent, c'est qu'ils sont envieux. Ferme la porte à ceux qui font de leur mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang et d'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Assez parlé. Au bout d'un moment, y'a plus les mots. Ça y est, j'ai délaissé mon cœur dans ta paume. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mis à mort celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre les coups du sort. Assez parlé. Au bout d'un moment, il n'y a plus les mots. Ça y est, j'ai délaissé mon cœur dans ta paume. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mis à mort celui qui dit qu'on s'est trompé. Adore, on se battra même contre les coups du sort. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang et t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Oh, oh. Au rang de, au rang de. Je vais t'élever au rang de reine. Laisse-moi t'élever au rang de reine. Isa, Radio Isa Haute-Savoie, à Mardin, Mardin, le top des hits. Radio Isa. Producteur niçois, Sound of Legend, c'était Some Kind of Kiss sur Radio Isa. Excellente journée à tous. Dans un instant, c'est le non-stop musique qui va démarrer à partir de 13h. N'oubliez pas qu'à 16h, c'est Greg que vous allez retrouver au micro de Radio Isa. Il sera là à 16h tout pile pour vous accompagner. C'est Lewis Capaldi qu'on va écouter dans un instant. Et je vous retrouve demain dès 10h pour une nouvelle émission. Salut.

d'agir en cas d'urgence et de profiter de la vie demain. Pour que vos vacances restent une belle histoire, n'oubliez pas, rouler trop vite augmente le danger. Alors, levons le pied. Sécurité routière, vivre ensemble. Radio Isard, ce son est 100% fait pour toi. Le nouveau Dermot Kennedy sur Radio Isard. I get this feeling like I'm fading from your memory. So I wrote this song and called it Don't Forget Me. Every time you hear it, will you smile and tell the one you're with I was that guy? Ooh, even though you had to let me go, don't forget me. This feeling like I'm fading from your memory. So I wrote this song and called it Don't Forget Me. Every time you hear it, will you smile and tell the one you're with I was that guy? Ooh, even though you had to let me go, don't forget me. Just don't forget me. I'll miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling? But leave out every part about him. Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way. Can't help but notice you seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down. But oh my. I could say it's something I really mean. But I want you happy where the north is with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. Radio Isère Haute-Savoie, dans la Vallée Verte, le top des hits. Radio Isère. La última vez, Loquilla, amo. J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte. Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh pourquoi? Rien que pour toi. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'inverse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu, sepa mi deseo. No puedo mover las nubes, pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme. Tierra solitaria, pensativa, yo te pensé fuerte y no entendía. Stockez et consommez votre électricité photovoltaïque avec Énergie Service France à Saint-Pierre-en-Faucigny. Il est 13h. Stéphane sur Périne FM, programme Radio Isa. Bienvenue, bonjour, comment ça va? J'espère que le week-end a été bon, que cette première matinée de lundi s'est bien passée. C'est le retour du beau temps cette semaine, ouais, il y en avait marre de cette pluie. Il y en avait assez, c'est reparti pour le beau temps toute la semaine. Je sais pas si vous avez regardé la météo, hein. C'est pas mal, si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Passez un très beau mois d'août en notre compagnie jusqu'à 16h. C'est le top des IT, c'est parti, bon début d'après-midi.

Envie de la cuisine qui vous ressemble? Besoin d'aménager votre intérieur à votre image? Agencio, artisan spécialiste de l'agencement sur mesure dans le Pays Rochois. C'est 20 ans d'expérience à votre service. Agencio mène votre projet à son terme dans le souci du détail rationnel, en respectant votre individualité afin de créer des lieux non seulement opérationnels et confortables, mais aussi qui reflètent votre personnalité. Plus de renseignements sur agencio.fr. Oh, j'y arrive pas! Tiens, ça faisait longtemps que je t'avais pas entendu râler, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais il m'arrive que je n'arrive pas à cuisiner, voilà. Oh, mais ça c'est normal. Combien de fois je t'ai dit qu'il fallait qu'on s'équipe chez Cuisine Plaisir? Il y a une large gamme d'accessoires de qualité et pour chaque utilité. Petit électroménager, vaisselle, verrerie, ustensiles de cuisine, espace cadeau et déco. Bon, ok, t'as gagné, on y va maintenant. Mais oh, mais elles sont où ces chaussures? À tes pieds, chérie. Retrouvez votre magasin Cuisine Plaisir à Amancy, route de la Roche-sur-Foron. Et aussi sur Facebook ou amancy.cuisineplaisir.fr. Envie de vous faire plaisir avec de bons petits plats? En solo, en tête-à-tête, en famille ou en groupe? C'est mieux si c'est mieux c'est. De 8h à 13h et de 16h à 19h, poussez la porte de votre magasin rue des Crêts à Bonneville pour votre plat du jour ou votre poulet rôti de midi. Et pour vos anniversaires, soirées associatives, mariage ou salon professionnel, c'est aussi Mieux C'est qui vous sert et passe vos désirs à la casserole. Votre traiteur à Bonneville, Mieux C'est et Meilleur C'est. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie, employée de maison chez Shiva. Marie, pourquoi aimes-tu travailler chez Shiva? Bonjour. Eh bien, chez Shiva, j'ai des horaires flexibles qui s'adaptent à ma vie. Je peux également décaler mes prestations en cas de besoin. Le salaire est très avantageux et j'ai la garantie d'être payée. L'agence est à l'écoute et toujours disponible pour m'aider. Je suis utile, déclarée et protégée. Et avec l'avance immédiate du crédit d'impôt, mes employeurs ne payent que la moitié de la facture. Rejoignez Marie chez Shiva pour des conditions de travail idéales dans le Pays Rochois et la Vallée de l'Arve. Déposez votre candidature sur shiva.fr ou rendez-vous dans nos agences à La Roche-sur-Foron, Cluses ou Sallanches. Voir conditions. Hey, Desperados Tropical est dans la place. Avec ses saveurs rhum, au tropique, elle fait une dédicace. Je vous raconte l'histoire? Desperados Tropical explore de nouveaux horizons. Sa différence, ses arômes rhum, citron vert et passion. Faut voir la fraîcheur qui coule en elle. Non mais, on n'a jamais vu une bière pareille. Desperados Tropical, sa nouvelle recette aux saveurs rhum et fruitées. Mais surtout, surtout, elle est signée Desperados. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Renault. La sécurité n'est pas réservée qu'aux automobilistes. Chez Renault, nous voulons protéger tous les usagers de la route. Piétons, cyclistes, motards, automobilistes. C'est pourquoi nous avons déposé plus de 2000 brevets depuis 1969. Formé plus de 5000 pompiers dans 19 pays. Et investi toujours plus dans la recherche et le développement, l'intelligence artificielle et les services connectés. Découvrez tout le programme Human First, la sécurité par Renault, sur renault.fr/sécurité. Source Renault. Au quotidien, prenez les transports en commun. Dans moins d'une minute, Radio Isa, le top des hits. Retour du top des hits sur Radio Isa Haute-Savoie. Leclerc. Joker. Hein? Les barres de céréales Nestlé, là. C'est mon joker pour le goûter des enfants. Chocapic, Lion, Golden Grams, Nesquik, Fitness Chocolat, ils adorent tout. Et qu'est-ce que je vois, là? Pour l'achat d'une boîte, il y a 68% de réduction sur la deuxième, comme par hasard. Ah bon? Non mais moins 66% sur la deuxième, me dis pas que tu l'avais pas vu. Joker. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 1er au 12 août, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Passer son diplôme, se poser des questions, se chercher, chercher des solutions, rencontrer les bonnes personnes, découvrir l'armée de terre, être prêt, s'engager. Vous venez de passer votre diplôme, l'armée de terre recrute dans plus de 16 domaines d'activité. Venez nous en parler en prenant rendez-vous sur s'engager.fr. Radio Isa. Les meilleures nouveautés. New music. Avec Maneskin. Radio Isa. What's your thoughts about religion? Are you close to your mother? Tell me about your dream vacation. She puts her hand on my lips, begging please end this conversation. rocking that good day. Shut your mouth, give me your hand. Tout l'été, toutes les heures, plus de 30 minutes de hit, sans pub. Good news, yeah, plenty money. Could it follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow. Plus de 30 minutes de hit et sans pub. Radio Isa. Radio Isa. Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts. That damn, it hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends. I don't want a man, girl. I'm in my bed. I'm way too fine to be here alone. On other hand, I know my worth. And now he calling me. Why do I feel like this? What happened to me? Oh, oh, oh. Supposed to love somebody else when I don't like myself. Like, ooh, guess I better learn to like this. Ooh, it might take my whole life just to do. He called me Melly, he squeezed my belly. I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, 'cause you know I've been through. Let me know. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. No, I know. roses and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. On profite de plus de 30 minutes de hit Radio Isa. Sans pub. Volver a tu lado, lo muevo de lado a lado y otro lado.

cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes, ça fait casser des abat-jours, ça fait stopper la cigarette, l'amour. Remember to say about the songs on repeat. she moves to dodgy. Avec de Ballet Girl. Périne FM, programme Radio Isa. Vous êtes sur Périne FM, programme Radio Isa. Tout va bien se passer si vous restez avec nous. On vous souhaite un très bon début d'après-midi, un très bel été. Encore une fois, bonnes vacances si vous êtes en vacances. C'est vrai que la vallée de l'Arvin, en ces 15 premiers jours d'août, ben là, il n'y a plus personne sur les routes. L'avantage, c'est qu'on va plus vite le matin pour venir au boulot. En tout cas, si vous nous écoutez sur votre lieu de vacances, et oui, ça arrive, passez un excellent moment. Si vous êtes en Haute-Savoie, le beau temps revient, et ça, c'est pour toute la semaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, les températures, hein. C'est ce matin, un petit 12-13 degrés pour demain, dans la journée. On va vite remonter autour des 30 degrés. L'été est de retour. On continue en musique. RA Star avec Rush, Santa, Popcorn Salé. C'est pour aller jusqu'à 14h. Tous vos hits préférés sont sur Radio Isa avec RA Star. Dermot Kennedy. So kiss me the way that you would. Radio Isa, le top des hits. Radio Isa. Ce serait génial que ma fille continue le basket l'année prochaine, ça lui fait tellement de bien. Bah ouais, et il y a le passeport qui fait du bien à ton budget. En plus, il n'y a rien à faire, hein. Si ta fille est bénéficiaire du passeport, tu vas recevoir automatiquement un mail du ministère des Sports avec un code. Tu donnes ce code à son club à la rentrée et hop, moins 50 euros sur inscription. Ça marche pour tous les sports. Le passeport est un dispositif ouvert aux bénéficiaires de l'ARS, de l'AEH, de l'AAH et aux étudiants boursiers de moins de 28 ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sport.gouv.fr/passe-sport. Passeport, faites entrer le sport dans votre vie. Cet été, tous les vendredis à La Roche, l'Office du Tourisme, ses partenaires et Intermarché Amancy, partenaire majeur, vous invite au 14e festival gratuit Zicanville. Avec Zicanville, faites le plein de bonnes vibrations musicales. Concerts et spectacles au jeune public gratuits sur la place de la mairie ou sous le marché couvert. Ce vendredi 11 août, soirée avec deux concerts, les jeux pour enfants, la restauration et la buvette. Dès 20h30, pop rock électro avec Lindsay Wasserman, d'Evian-les-Bains. À 22h30, afro-pop bantou avec Pamela Badjogo du Gabon. Le concert de Lindsay Wasserman est organisé avec le soutien de Bouvier Sécurité à Saint-Pierre et de Urban Cartine à La Roche. Info et organisation, Office de Tourisme de La Roche. Sur votre route des vacances, ne commettez pas d'imprudence. Et pour voir arriver le danger de loin, pensez à garder vos distances. Et vos vacances d'été commenceront bien. Pour que vos vacances restent une belle histoire, gardez les imprévus à distance. Respectez les distances de sécurité. Sécurité routière, vivre ensemble. Ce samedi soir à la Tour, la Cabane du Pêcheur vous concocte une soirée exceptionnelle animée par le groupe Blue Note. Une soirée gourmande et musicale. Réservation conseillée au 04 50 36 91 23. 36 91 23. Pour votre santé, bougez plus. L'agenda Périne FM, la sélection. C'est l'événement de ce dimanche 13 août en Vallée Verte, le marché du terroir, de l'art et de l'artisanat qui se tiendra de 10h à 19h au parking du Bois Noir à Aberpoche. Plus de 50 producteurs et artisans seront présents avec bars et petites restaurations. Une manifestation organisée par l'association Aberpoche Animation. Plus d'infos au 04 50 39 54 46. Taïwan, Vietnam, Suriname, pas besoin de partir loin pour un été fun en famille. Destination Vitam. Le parc aquatique extérieur est ouvert tous les jours en juillet et août. Toboggan, bassin avec rivière à courant, lit à bulles hydrogènes, pataugeoires ludiques, parcours aquatique gonflable, plage de sable. Le Vitam, c'est la destination des vacances fun en famille. Gratuit pour les moins de 3 ans et tarif famille. Tarif et horaires sur scpavitam.fr.

pasaporte. Estoy más dura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue. No, pues que muy tragadito. Et consommez votre électricité photovoltaïque avec Énergie Service France à Saint-Pierre-en-Faucigny. Il est 14h, bon après-midi, voici Shawn Mendes, Does Nothing Holding Me Back et Major & Grace avec I Love You. Des petits classiques pour repartir en musique. Stéphane sur Périne FM, programme Radio Isa. About her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. Minds and we took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you. Le top des hits, c'est deux classiques à la suite. Deux, sinon rien. You are my sunshine. You are my moonlight. You are my angel. You make me feel alright. When I am lonely, you come and hold me. You're like the rainbow, colorful reasons why I love you. Ooh, ooh, ooh, ooh. I too. No hay explicaciones. Yo te extraño en Barranquilla y tú me piensas en Londres. Lo que sentimos nos hace fuertes, más que el orgullo, más que la muerte. Por ti mi invierno fue primavera. Llegaste para cambiar mi suerte. I love you. Porque soy mejor cuando too. Yeah. Just in case I don't tell you enough. Just in case I don't show you enough. This song's to let you know how much I love you. The things of this world will fade, but my love for you will forever remain. Périne FM, programme Radio Isa. C'est les vacances sur votre radio, donc c'est un maximum de musique qui vous arrive dans les oreilles. Toutes les émissions habituelles sont en vacances. Retour en septembre avec notamment les émissions spécifiques de Périne FM le week-end, avec notamment vos dédicaces qui sont de retour en septembre. Donc attendez, hein, parce qu'on a toujours un ou deux coups de téléphone. Non, les dédicaces du dimanche matin sont en vacances, donc attendez un petit peu, on vous donnera le signal de départ pour laisser vos dédicaces. Pour l'instant, bien sûr, on se marque une petite pause et puis on repart avec du Lady Gaga, du The Weeknd, du Saint-Anne de Rouleau, du Maroon 5, mais c'est pas mal tout ça. Tous vos hits préférés sont sur Radio Isa avec Ed Sheeran. Arribitz, Ozuna et Gims. Radio Isa, le top des hits. Métral Passy, l'expert incontournable en salle de bain et carrelage pour les professionnels et les particuliers à Cluses, au Fayet et à Aix-les-Bains. Métral Passy, au fil du bain. Une société du groupe Valier. Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Le cidre de France avec Thierry Marx. L'été, c'est la saison des plans de chat, des barbecues. Prenez une belle tranche de merlu, une côtelette. Avec ça, un cidre frais, vif, expressif. Ça, ça se savoure. Le cidre de France, tout naturellement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Oh là là, je viens de faire connaissance avec le petit caillou. Vous savez, celui qui s'invite sur votre pare-brise. Effectivement, il n'est pas gentil. En revanche, l'équipe qui est venue à la rescousse est super. C'est SOS Pare-brise à Mancy. Ils interviennent pour tout vitrage, tout véhicule et toute assurance. 0 € de franchise, pas d'avance de frais. Ils s'occupent de toutes les démarches administratives et vous prête un véhicule pendant la durée des travaux. Donc, et si vous aussi vous croisez sur votre route le petit caillou, n'hésitez pas. SOS Pare-brise à Mancy et son nouveau centre, zone industrielle du Car à côté de Noroto. Voir conditions dans votre centre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie, employée de maison chez Shiva. Marie, pourquoi aimes-tu travailler chez Shiva ? Bonjour. Eh bien, chez Shiva, j'ai des horaires flexibles qui s'adaptent à ma vie. Je peux également décaler mes prestations en cas de besoin. Le salaire est très avantageux et j'ai la garantie d'être payée. L'agence est à l'écoute et toujours disponible pour m'aider. Je suis utile, déclarée et protégée. Et avec l'avance immédiate du crédit d'impôt, mes employeurs ne payent que la moitié de la facture. Rejoignez Marie chez Shiva pour des conditions de travail idéales dans le pays rochois et la Vallée de l'Arve. Déposez votre candidature sur shiva.fr ou rendez-vous dans nos agences à La Roche-sur-Foron, Cluse ou Sallanches. Voir conditions. Venez goûter les saveurs du midi chez Tabuy Fruits et Légumes. En ce moment, une délicieuse sélection de fruits rouges pour vos confitures. Fraises, framboises, groseilles. De quoi régaler vos papilles. Découvrez nos succulentes pêches et nectarines du midi. Notre melon charentais juteux. Nos cerises, nos tomates, aubergines, courgettes et bien d'autres produits de saison. Tabuy Fruits et Légumes, les vendredis de 9h à 12h et les samedis de 8h à 12h au 330 route de Régnier à Arenton. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Bonne ville commerce. Cet été comme toute l'année, avec l'Union commerciale de Bonneville, votre fidélité sera récompensée. Demandez votre carte gratuite auprès d'une cinquantaine de participants signalés par affichette. À la clé, par tirage au sort, de nombreux cadeaux récompenseront votre fidélité. Détails du jeu et liste des participants dans tous les magasins s'affichant Bonneville commerce. Bonneville commerce, plus proche de vos envies. Des prix bas, la fraîcheur garantie chaque jour. Dès 8h30, non-stop jusqu'à 19h30, du lundi au samedi, et jusqu'à 12h30 le dimanche, Netto, La Roche-sur-Foron, zone industrielle des Dragiers. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Oh là là, vous avez vu ces températures ? Quand on monte dans la voiture, il fait une chaleur. Alors forcément, vous mettez la clim et regardez votre pare-brise. Vous voyez un impact ? Avec le chaud-froid, ça risque de fissurer. Alors avant que ça craque, venez vite chez Carglass. Chez nous, votre impact, en 30 minutes, c'est réparé. Et en ce moment, pour toute intervention vitrage, un aspirateur de voiture, c'est offert. Il est développé par Noroto. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr. C'est jusqu'au 25 août. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas. .fr. Trop cool d'être en vacances. Et tu sais quoi, cette année, je vais avoir 100 € de prime. Super, mais on a dit qu'on parlait pas travail. Mais je parle de covoiturage. Ah ouais? J'ai pris des passagers avec Blablacar pour venir ici, du coup j'ai droit à la prime. Ok, c'est toujours à point pour toi. Comme Gabriel, profitez de vos trajets vacances pour devenir conducteur sur Blablacar et recevez 100 € de prime covoiturage en 3 trajets. Téléchargez l'appli. Blablacar, Blablacar. La prime covoiturage est soutenue par le gouvernement. Pour en bénéficier, voir conditions sur blablacar.fr. À la rentrée, l'envie de se remettre au footing, c'est pas tous les jours gagné. Bah, j'irais bien courir, mais si c'est pour me fouler la cheville... Ouais, peut-être que vous n'avez pas envie de vous fouler tout court, non ? Fini les mauvaises excuses. Chez Decathlon, on a sélectionné une paire de running avec un amorti optimal qui préserve vos articulations. Et pour faire du sport le meilleur allié de la rentrée, cette semaine, les chaussures ASICS Windhoek homme ou femme sont à 50 € au lieu de 80, soit 37% de remise. Decathlon, faire bouger le sport. La sécurité n'est pas réservée qu'aux automobilistes. Chez Renault, nous voulons protéger tous les usagers de la route. Piétons, cyclistes, motards, automobilistes. C'est pourquoi nous avons déposé plus de 2000 brevets depuis 1969. Formé plus de 5000 pompiers dans 19 pays. Et investi toujours plus dans la recherche et le développement, l'intelligence artificielle et les services connectés. Découvrez tout le programme Human First, la sécurité par Renault. Sur renault.fr/sécurité. Source Renault. Pensez à covoiturer. Leclerc. Joker. Hein? Les barres de céréales Nestlé, là. C'est mon joker pour le goûter des enfants. Chocapic, Lyon, Golden Grams, Nesquik, Fitness Chocolat, ils adorent tout. Et qu'est-ce que je vois, là? Pour l'achat d'une boîte, il y a 68% de réduction sur la deuxième, comme par hasard. Ah bon? Non mais moins 68% sur la deuxième, me dis pas que tu l'avais pas vu. Joker.

Tranquila, más te ves muy linda. Yo te invito a salir. La vida aún te brinda deseos de vivir. Me voy a enamorar, no me importa tu edad. Yo quiero estar contigo en Alemania en madrugada. No puedo darte una cartera, pero vamos a cenar. Que nos concentremos, apaguemos el celular. Me invitaste a pecar, estamos pensando igual. Estamos pasando bien, yo adelantándote del mal. Que todo es la palabra, pero se la dio el viento. Encore une fois, je vois que t'es pas là. Tu m'as pris pour une môme à qui on dit regarde comme le monde est beau. Tu joues avec les mots parce que j'ai pas trop d'ego. Mais ne pense pas que tout peut s'obtenir par la force. Avec le temps, j'ai pris des rides, évité des mines. Pour ton attention, j'aurais traversé le Nil. Pour toi, jamais rien ne va. Passe toujours pour une folle. Pas là pour ton zéyo, t'as toujours pas capté. Ah, t'es responsable de tous mes maux. Au début, tout était beau. Baby, baby, les lobes. J'ai cru voir une image. J'ai cru voir un mirage. C'est que tu finis pas ce que tu dis. Tu disais vouloir fonder une famille. No te puedo olvidar. Mi alma está a mitad. Está mandando no saber de ti. Si yo sentía que eras para mí. Oh, oh, oh, yeah. Ozuna. Radio Isa Haute-Savoie. Au sommet du môle, le top des hits. Radio-y.